Ils veulent nous dominer. Ils pensent y arriver à l'allure où avancent les choses. Je crois qu'on est tous concernés. Au lieu de se concerter, on est tous consternés. Trop concentrés à faire l'autruche, le regard rivé sur nos putains de pieds. Dispersés à travailler, à payer son loyer, smicard à vagir sur le canapé, à ressasser l'épisode de sa vie. Comment ai-je pu perdre mon rôle de chef de famille? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que le fruit va tomber seul tout dans votre panier? Comment récolter le plus de pièces si tu les prends les doigts écartés? Tu veux la réussite, mais mec, faut fournir l'effort. Faut tenir la forme, car au-dessus y'a toujours plus fort. La vie, je l'imagine, un paysagiste qui ne fait pas de fleurs, mon gros. Aiguise tes canines, monte les crocs. Prends la vie sur le déco, fais la mouiller le maillot. Et comment veux-tu qu'on s'en sorte quand on pose les obstacles devant nos portes? Comment veux-tu qu'on réussisse au positif quand on perd le fil de nos vies? Et comment veux-tu qu'on s'en sorte si nos horizons s'obscurcissent et que plus rien ne se réalise? Alors s'en sortir, comment veux-tu? Comment veux-tu voir le turfu pris dans le vortex de tes échecs passifs, victime d'un lourd passif? Ah si, tu pouvais tout refaire, revenir en arrière. Malheureusement, ce qui est fait, fait. Réparer ses erreurs n'est pas si facile. Ne reste pas assis, vas-y, réagis. Relève la tête et agis. Sache que rien ne se fait par magie. Même si le doute renforce ta paraplégie, le bien attire le bien, ça me paraît logique. Mais ça reste encore au stade de la théorie. On passe sa vie à esquiver la météorite. Comment veux-tu gagner l'autrive? Parfois plus compliqué que de gagner la loterie. Les chances sont minces, je sais c'est horrible. Qui ne tente rien à rien ne soit pas la cible ni la victime. Et comment veux-tu qu'on s'en sorte quand on pose les obstacles devant nos portes? Comment veux-tu qu'on réussisse au positif quand on perd le fil de nos vies? Et comment veux-tu qu'on s'en sorte si nos horizons s'obscurcissent et que plus rien ne se réalise? Alors s'en sortir, comment veux-tu? On a beau essayer, parfois ça marche pas. Rien, zéro, nada. Ton dernier coup de chance, putain, ça date. Tu perds la fierté de madame, tu cogites sur le macadam. Erre comme un être sans âme. Peu à peu la déchéance vient t'ivrer les patates. Comment veux-tu te relever après une chute de bâtard? Sur le CV, RSA et pas taf. Le photomaton ne crache que des mines blafardes. Tu fais des rêves de tiroir caisse, 3 matchs sur 4 de finir au placard. T'es dans la merde grave, je te dirais bien de ne pas baisser les bras. La vie un putain de combat, fini là en vainqueur porté par les braves. Même si t'es usé par l'épreuve, happé par les pieuvres qui trônent autour, tu feras plus d'un plat dans la piscine. Parfois à bout de souffle, c'est là que ton avenir s'y dessine. Et comment veux-tu qu'on s'en sorte quand on pose les obstacles devant nos portes? Comment veux-tu qu'on réussisse au positif quand on perd le fil de nos vies? Et comment veux-tu qu'on s'en sorte si nos horizons s'obscurcissent et que plus rien ne se réalise? Alors s'en sortir, comment veux-tu? Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte quand on pose les obstacles devant nos portes? Comment veux-tu qu'on réussisse au positif quand on perd le fil de nos vies? Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte si nos horizons s'obscurcissent et que plus rien ne se réalise? Alors s'en sortir, comment veux-tu? Comment veux-tu qu'on s'en sorte quand on pose les obstacles à nos portes? S'en sortir, comment veux-tu? Comment veux-tu?